Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. Il a peut-être été indirectement à l'origine de la création du réseau Echelon, cette gigantesque toile d'araignée électronique qui sert aux Américains de la NSA à espionner le monde entier. Lui, c'est Alan Turing, un génie des mathématiques qui a aussi permis aux alliés de la Seconde Guerre mondiale de triompher plus rapidement des nazis. Enfin, ce précurseur est à l'origine de l'invention de l'ordinateur. Mais Turing, être original et anticonformiste, n'a vraiment jamais été célébré de son vivant comme il l'aurait mérité. Et tel Oscar Wilde, il a été persécuté à cause de son homosexualité et il a fini par se donner la mort. Pourtant, même si les fondateurs de l'entreprise ne l'ont jamais réellement admis, c'est la firme Apple qui lui a accordé une reconnaissance internationale en adoptant son fameux logo de la pomme. Nous verrons pourquoi avec Monsieur X, qui a donc décidé aujourd'hui de rendre hommage à Alan Turing, qui a été l'un des esprits les plus féconds du XXe siècle. Alors même si c'est anecdotique, commençons par la pomme. Apple. Les deux Steve, Jobs et Wozniak, lorsqu'ils ont collé sur le carénage de leur premier ordinateur cette image d'une pomme croquée, n'ont pas pu ne pas penser à Turing, le véritable inventeur de l'ordinateur. Je vous explique pourquoi. Le mathématicien s'est suicidé en mangeant une pomme qu'il avait préalablement enduite de cyanure. Et sa pomme mortelle aurait été de la variété Macintosh. Ah, alors, comme le nom de la première machine des deux Steve. Ajoutez à ce logo de la pomme ce ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel et vous aurez tout compris. Ouais, l'emblème de la communauté gay. Mais clin d'œil ou hommage, je ne sais pas, si l'anticonformiste et libertaire Turing se serait reconnu, lui, dans cette entreprise aux ambitions démesurées qui est devenue un symbole du capitalisme. Alors passons. Le déroutant Alan Turing, lui, s'il a croqué dans cette pomme, l'a fait en pensant à Blanche-Neige, son film préféré, qu'il a vu à plusieurs reprises. Oui, la pomme empoisonnée. Et les mots de la sorcière qu'il connaissait par cœur. Plonge la pomme dans le brouet et laisse le sommeil de mort l'imprégner. Dites-moi, il y avait chez lui quelque chose d'enfantin, non ? Mais n'est-ce pas un privilège de rester un enfant ? Bon, surtout quand on est un génie. Souvenez-vous de la fameuse photo d'Einstein tirant la langue. Mais restons sérieux si c'est possible. Turing est à l'origine de plusieurs découvertes essentielles. Cependant, on retient surtout son plus haut fait d'armes. C'est lui qui a brisé le secret des machines Enigma. Ouais, ces machines qui permettaient aux militaires allemands de coder leurs communications. Des communications qu'ils jugeaient inviolables. Et Turing, en décryptant leur mode de fonctionnement, a permis aux alliés anglo-saxons de la Seconde Guerre mondiale de lire à livre ouvert dans les messages du Troisième Reich. Et ça a été un tournant considérable qui a contribué à hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, Turing n'a jamais pu en tirer la moindre gloire. Il avait juré le secret. Et ce n'est que dans les années 70, plus de 20 ans après sa mort, qu'on a découvert la vérité sur ses travaux. Et son apport donc décisif dans la lutte contre le nazisme. Il a souffert de ce silence qu'on lui a imposé ? Je ne sais pas, car après avoir percé les mystères d'Enigma, il était déjà passé à autre chose. Enfin, n'allons pas trop vite. Quelques éléments biographiques d'abord sur cet éminent personnage. Né en 1912, il passe les premières années de sa vie loin de ses parents, car après sa naissance, ceux-ci sont retournés en Inde, où son père était un fonctionnaire de l'Empire britannique. Une enfance pas très heureuse, donc. C'est certain. Mais sa mère, lorsqu'elle le retrouvera, se conduira ensuite comme une véritable mère poule. Pour rattraper le temps perdu. On peut l'imaginer. Alan Turing est un élève plutôt médiocre. Mais c'est un cancre génial. Il a seulement 15 ans lorsqu'il stupéfie son prof de maths en découvrant la suite infinie d'une fonction tangentielle. Au même âge, il se lie avec un brillant camarade de classe, Christopher, qui le fascine et dont il tombe sans doute amoureux. Ouais, c'est la révélation de son homosexualité ? Oui, même si cette relation est restée vraisemblablement platonique. Ça lui vaut en tout cas de connaître un premier et grave traumatisme sentimental, car ce Christopher est emporté par une tuberculose foudroyante. Et la suite de ses études, alors ? Ah, elle ne ressemble pas à ses débuts. Il est reçu premier au King's College de Cambridge et obtient une bourse. Turing éprouve dès lors une vraie passion pour les mathématiques. Il s'y plonge totalement. Il y trouve une sécurité certaine, car par ailleurs, sa vie privée est assez agitée. Autre particularité étonnante, il découvre la course à pied. Turing sera même un excellent coureur de marathon. Enfin, toute sa vie, le mathématicien éprouvera une indifférence remarquable vis-à-vis de son apparence extérieure. Du laisser-aller vestimentaire. Oui, il n'est pas rare de lui voir des chemises trouées ou d'utiliser une ficelle en guise de ceinture. En 1935, événement important, John von Neumann arrive à Cambridge. Ce mathématicien et professeur de logique sera avec Turing l'un des futurs pères de l'informatique. Car dès 1936, Turing répond à une importante question que se pose la communauté des mathématiciens. Pour simplifier, disons qu'il s'agit de dire d'un énoncé mathématique s'il est vrai ou s'il est faux. Et Turing démêtre l'idée qu'il faut inventer une machine capable de décider si une proposition est démontrable ou pas. Ah ben c'est déjà la conception théorique de l'ordinateur. Exactement. Hein. Et là, Turing est véritablement un pionnier. Cependant, ce visionnaire est trop en avance sur son temps. Car sa description d'un automate abstrait, une machine universelle capable d'effectuer tous les calculs imaginables, ne bouleverse pas les mathématiciens de son temps. En 1936, toujours, Turing s'embarque pour les États-Unis, où, à Princeton, il va fréquenter la fine fleur des mathématiciens du monde entier. C'est là-bas qu'il commence à s'intéresser à la cryptologie. Ouais, la science des codes. Et dans une lettre à sa mère, il affirme avoir conçu toute une série de codes spécifiques, dont l'un pratiquement impossible à déchiffrer sans la clé. Il envisage de le vendre au gouvernement de Sa Majesté contre une forte somme. Mais en même temps, il se demande si ce serait vraiment moral. Car disons-le tout de suite, Turing n'a jamais été intéressé par l'argent. La preuve, c'est qu'il refuse les propositions alléchantes de Princeton. Pour quelle raison, plus précisément ? Il veut revenir chez lui, car ce patriote, très conscient de la montée des menaces en Europe, estime que son pays aura besoin de lui. En outre, les universités américaines sont beaucoup moins libérales en matière de mœurs sexuelles que Cambridge. Ouais. Il ne s'y sent donc pas très à l'aise. C'est exact. Par conséquent, il repart en Grande-Bretagne et regagne Cambridge. Pour l'anecdote, c'est là qu'il assistera avec une poignée de professeurs du King's College à la projection de Blanche-Neige et les Sept Nains, premier long dessin animé en couleur de Walt Disney. Il le verra 6 fois. Ouais, une vraie fascination. Ouais. En effet, c'est sans doute aussi dès son retour qu'il est repéré par les services secrets britanniques. Parce que ce mathématicien de haut vol parle aussi l'allemand et le français. Pour autant, Turing est un intellectuel très ouvert. À Cambridge, il fréquente par exemple les cours du philosophe Wittgenstein et entame avec lui une controverse assez vive sur le rôle des mathématiques. Il a été repéré par les services britanniques, avez-vous dit, est-ce que ça va plus loin ? Naturellement. En 1938, il est contacté par Alistair Denniston, le patron du décryptage de l'Intelligence Service, et il effectue un stage au QG d'une organisation gouvernementale, le centre opérationnel de l'École nationale britannique des codes secrets, tout en poursuivant ses cours à Cambridge. À un moment donc, on sent que la guerre est imminente. Hein. Oui, déjà, on sait que l'ennemi de demain, l'Allemagne nazie, a mis au point une fabuleuse machine pour coder ses communications. Ouais, Enigma. Alors, il me faut vous expliquer. Enigma, c'est une sorte de machine à écrire électrique. L'opérateur tape son texte en clair sur le clavier et il en ressort automatiquement crypté sur un tableau lumineux qui compte 26 lampes. Et correspondant chacune à une lettre de l'alphabet. L'opérateur peut alors transmettre son texte. Par radio. Et en morse. Et seul un opérateur possédant la même machine peut effectuer la manœuvre inverse, c'est-à-dire obtenir le texte en clair à partir du texte crypté. Naturellement, le système n'est pas aussi simple. Il faut que les deux opérateurs utilisent également un même carnet de codes qui permet de régler à l'identique les machines. Ces codes changeant régulièrement au fil des jours ou des semaines. Ouais. Ça, c'est le principe, mais le fonctionnement, là. Je ne veux pas me lancer dans des explications techniques que je serais d'ailleurs bien en peine de vous fournir. Sachez seulement qu'à l'intérieur de la machine, il existe un certain nombre de rotors, des brouilleurs, en fait, qui, en tournant, cryptent les uns après les autres le signal électrique émis par l'opérateur lorsqu'il tape son message. La performance de cette machine ? Au fil des perfectionnements, car il y en aura beaucoup, on calculera que la machine Enigma, celle en tout cas qui était en fonctionnement en 1939, au début de la guerre, pouvait fournir 1 million de milliards de combinaisons. Et donc, à une époque où l'ordinateur n'existait pas, ces messages étaient indéchiffrables. Tout à fait. C'était une invention allemande ? Oui, essentiellement. C'est un certain Scherbius qui est à l'origine d'Enigma. Un inventeur féru de technologies modernes et qui a multiplié les innovations dans tous les domaines. Et a d'abord conçu une version d'Enigma pour les relations commerciales. Ouais. En tout cas, lorsque Turing est embauché par le service du chiffre, on est alors incapable de déchiffrer les messages émis par Enigma. Le travail de Turing et de son équipe va donc consister à comprendre la logique d'Enigma et de ses utilisateurs, et à déterminer le rythme des changements opérés quotidiennement par les Allemands pour brouiller leurs messages. Et autant vous dire que c'est un travail de titan qui attend le mathématicien. Retour sur la formidable intuition d'Alan Turing, qui a conçu le principe de l'ordinateur dès les années 30. Voici ce que l'on lit dans le livre de Laurent Lemire, Alan Turing, « L'homme qui a croqué la pomme ». Il affirmait que tout ce qui pouvait être calculé par un homme pouvait également l'être par une machine. Par conséquent, il était possible, selon le raisonnement de Turing, de construire une machine qui, en déchiffrant les descriptions d'autres machines imprimées sur son ruban, pourrait en quelque sorte reproduire l'activité mentale des hommes. Une seule machine pour remplacer un homme calculateur. Un cerveau électrique. Non seulement ce jeune étudiant inconnu venait de poser les bases de l'intelligence artificielle, mais il venait de concevoir l'outil qui allait bouleverser le XXe siècle et sans doute dominer le XXIe. D'un point de vue formel, l'ordinateur était né. Indirectement, c'est Winston Churchill qui a fait le succès d'Enigma. En effet, après la Première Guerre mondiale, il a publié un ouvrage où il a révélé que pendant le conflit, les Britanniques avaient cassé le code allemand et avaient donc pu déchiffrer toutes les communications codées de la Kriegsmarine. Pour les militaires allemands, ça a été un véritable électrochoc. Oui, la chance de cet inventeur, vous avez dit Scherbius, c'est ça? Exactement. En quelques années, ces machines vont équiper toutes les unités allemandes. Il va en vendre des dizaines de milliers. Des énigmas de plus en plus perfectionnés. J'imagine que les services étrangers vont assez vite avoir vent de cette modernisation. Naturellement, parce qu'ils captaient des communications radio qu'ils étaient tout à fait incapables de déchiffrer. Et les premiers s'inquiétaient ont été les Polonais. Ouais. Oui, parce qu'ils se sentaient, eux, menacés. Évidemment, hein. La Pologne, recouvrant son indépendance, avait gagné des territoires à l'ouest, occupés avant-guerre par l'Allemagne. Et les plus lucides des Polonais ne doutaient pas qu'un jour ou l'autre, Berlin voudrait remettre la main sur ses terres. Donc, plus que d'autres, ils étaient à l'affût. Et dès la mise en service des énigmas, ils ont mis tout en œuvre pour essayer de percer les secrets de ces machines apparemment inviolables. Mmh. Alors comment les Polonais ont-ils procédé là? D'abord, les services secrets de Varsovie ont recruté une poignée de brillants mathématiciens, dont un certain Marian Rejewski. En deuxième lieu, les Polonais vont réussir à s'emparer d'un exemplaire commercial d'Enigma. C'est-à-dire une machine beaucoup moins sophistiquée que celle qui était utilisée par les militaires allemands. Hein. Oui, mais cette machine, même rudimentaire, permettait quand même de comprendre le principe du chiffrage et le fonctionnement de rotor. Ce qui a permis à Rejewski de progresser. D'autant que la chance est venue à son secours, grâce aux Français. Je crois vous avoir raconté cette histoire, mais enfin, il y a bien longtemps. Alors tant pis, si je me répète, en 1931... Un homme se présente à notre ambassade de Berlin et demande à parler à l'attaché militaire. Et qui est-ce? C'est un certain Hans Thilo Schmidt, fonctionnaire à la section du chiffre au ministère allemand de la guerre. Il affirme pouvoir nous vendre des informations très intéressantes. Non seulement il possède les codes chiffrés en usage dans l'armée allemande, mais il a une connaissance très précise du fonctionnement de la mystérieuse machine Enigma. Il est prêt à trahir pour de l'argent? Et il est très gourmand. Contre le paiement d'une somme de 10 000 marks, il a fourni à notre agent des documents sur l'utilisation d'Enigma et sur les branchements internes qui en garantissaient le secret et démultipliaient les possibilités de combinaison. Toutefois, il manquait un élément essentiel, c'était la clé. Ou plutôt, ces clés qui étaient modifiées presque quotidiennement et qui seules permettaient de déchiffrer les messages envoyés par Enigma. Les Allemands avaient d'ailleurs prévu qu'une de leurs machines pourrait un jour être subtilisée ou tomber dans des mains hostiles. Sans la clé, elle resterait parfaitement inopérante. Et après, là, il y a eu coopération entre les services polonais et français? La Pologne était notre alliée. Et grâce aux documents transmis par Schmidt, les Polonais vont pouvoir progresser dans leur connaissance d'Enigma. Et ils vont rapidement construire des énigmas fonctionnant exactement comme celles qui sont utilisées par l'armée allemande, avec les mêmes connexions. Oui, mais ça ne résolvait pas la question des clés. Ces clés qui figuraient sur des tableaux régulièrement envoyés aux unités équipées d'énigmas. Les Polonais ont donc demandé à leurs collègues français d'essayer de se procurer un de ces fameux tableaux, même un ancien, car comme leurs homologues français et anglais, ils enregistraient systématiquement les messages radio chiffrés émis par les Allemands. Ouais, et ils les gardaient précieusement en attendant le jour où ils pourraient les déchiffrer. Ah, c'est à peu près ça, oui. Et les Polonais se disent que s'ils disposaient des clés utilisées à l'époque, ils pourraient effectivement lire ces messages anciens, mais surtout, ça leur permettrait de mieux comprendre les systèmes de cryptage des Allemands. Bref, ils en tireraient peut-être des règles mathématiques susceptibles de les aider à décoder des messages récents. Mmh. Alors, une nouvelle fois, je pense qu'on fait appel à ce Hans Tilo Schmidt. Et qui, contre le versement de quelques centaines de marques, a livré l'un de ces tableaux de clés. Mmh. Et les Polonais ont pu faire de nouveaux progrès ? Oui. Rejewski était vraiment un type génial. Et après avoir analysé les documents fournis par notre service de renseignement, il a eu une idée fantastique. Quoi ? Il a fait fabriquer de nombreux exemplaires d'Enigma. Et en les faisant travailler en parallèle, il a conçu une nouvelle machine, une bombe, comme il l'a appelée. Pourquoi ce nom ? Parce que lorsque la bombe était en fonctionnement, elle faisait un bruit épouvantable. Cet engin était capable de rechercher mécaniquement la clé du jour, en essayant successivement et très rapidement toutes les combinaisons possibles. Enigma était donc vaincu. Ah, provisoirement, oui. Car fin décembre 1938, coup dur. Les Allemands perfectionnent une nouvelle fois Enigma, en ajoutant deux rotors à l'intérieur de la machine. D'un seul coup, le nombre de combinaisons possibles s'est chiffré en milliards de milliards. Enfin, là, je vais vite. Ouais, je ne connais pas coutume. Je ne relèverai pas. Les événements se précipitent. Fin avril 39, Hitler dénonce le pacte de non-agression avec la Pologne. Il est clair que tôt ou tard, le pays sera envahi. Et les services polonais prennent une décision lucide et courageuse. Ils communiquent aux cryptanalystes français et britanniques les travaux de Rejewski et leur remettent des exemplaires d'Enigma. Oui, un passage de relais, ça. Oui, et Rejewski, qui a fui avant l'invasion de son pays, passe en France. Au printemps 1940, une équipe franco-polonaise réussit à décrypter plusieurs messages du haut commandement allemand. Mais patatras, juste avant de lancer leur offensive en France, les Allemands introduisent de nouvelles modifications. Oui, c'est-à-dire qu'au moment crucial, le service de renseignement français ne dispose plus d'informations. C'est exact. Et une nouvelle fois, il faut fuir. Et se réfugier en Angleterre. Où les services de renseignement ont installé à quelques dizaines de kilomètres de Londres, à Bletchley Park exactement, une vaste structure uniquement vouée à cette affaire. Ils ont recruté des mathématiciens, des cryptanalystes et même des spécialistes des mots croisés. Une sorte d'université dont le seul but était de vaincre Enigma. Et dont le cerveau était donc Alan Turing. Qui a commencé par reprendre les travaux de Rejewski, mais qui est allé encore beaucoup plus loin. Grâce à Churchill, à qui Turing a envoyé une lettre confidentielle réclamant une augmentation sensible des crédits affectés à cette recherche. Et Churchill a accepté. Mais oui, parce qu'il a compris avant tout le monde que le sort de la guerre se jouerait peut-être à Bletchley Park. Avec Max Neumann, Turing a donc conçu Colossus, une énorme machine équivalente à plusieurs bombes de Rejewski et qui occupait une pièce entière. Dès le mois d'août 1940, la machine de Turing s'est révélée capable de trouver une clé d'Enigma en moins d'une heure. La source Ultra, comme l'ont baptisé les Britanniques, était désormais opérationnelle. Ouais. Les communications militaires ennemies étaient donc maintenant transparentes. D'autant que Turing et les membres de son équipe n'ont cessé de perfectionner leur monstre. Ils sont parvenus à réduire le temps de décryptage à quelques minutes. Et jamais Berlin n'a eu de soupçons ? Non. Jusqu'au dernier jour de la guerre, Berlin n'a pas su que toutes ses communications militaires étaient décryptées. Mais les Allemands, là, n'ont-ils pas continué à perfectionner les énigmas et donc à poser de nouveaux problèmes aux alliés ? La Wehrmacht, non. Mais la Kriegsmarine, oui. Les marins allemands ont conçu une énigma encore plus sophistiquée afin de préserver le secret de leurs communications entre sous-marins. Et les alliés ont été coincés. Or, le temps pressait, car la bataille de l'Atlantique avait commencé et des dizaines et des dizaines de bateaux alliés étaient coulés chaque mois par les U-boats. Alors, on a recouru à une manœuvre plus classique, en volant une machine et ses carnets de clés. Ah oui, et comment ? Bah, à ma connaissance, deux opérations au moins ont été menées. L'une contre un bateau météo, dissimulé en chalutier, l'autre contre un sous-marin. Naturellement, pour que les Allemands ne nourrissent aucun soupçon, Les deux bâtiments ont été coulés aussitôt après leur arraisonnement. Les énigmas capturés ont été aussitôt envoyés à Bletchley Park et Turing s'est mis au travail. Ouais. Et c'est ainsi que les Alliés ont gagné la bataille de l'Atlantique. Oui, mais il leur a fallu user de prudence. Grâce aux communications qu'ils émettaient, les sous-marins allemands étaient repérés, localisés. Mais il convenait d'attendre avant de les couler. Ah, et pour préserver le secret de la source ultra. Bien entendu. On envoyait donc des avions survoler ces sous-marins. Et ensuite seulement, on pouvait les détruire puisqu'ils étaient censés avoir été repérés par ces appareils. Mais je reviens à Alan Turing. Dès la fin 1942, il estime que sa mission est terminée et il commence à s'ennuyer. D'autant que cet original qui roulait à vélo avec un masque à gaz pour se préserver du rhume des foins était assez rétif à la discipline militaire qui régnait à Bletchley Park. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un article de Libération paru en 2007, Laurent Geoffrin donne une évaluation de l'importance de la cryptanalyse lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, des travaux de Turing. Extrait. Dès 1940, tous les matins à l'aube, un câble secret transmet de Bletchley Park au 10 Downing Street une moisson de messages décryptés qui sont la première lecture quotidienne de Winston Churchill. Lisant à livre ouvert dans les projets de Hitler, le Premier ministre va user de cet atout décisif pour limiter les pertes de convois dans l'Atlantique, pour aider Montgomery à gagner dans le désert ou pour monter une superbe opération d'intoxication qui trompe les Allemands sur le lieu du débarquement. Après Pearl Harbor, la technologie sera transférée outre-Atlantique. Turing fait plusieurs voyages d'information, initiant les cryptanalystes américains à ses découvertes. La bataille de Midway est gagnée presque uniquement par les cryptanalystes réunis dans une salle souterraine et enfumée d'Hawaï. Grâce à un message décrypté, la chasse américaine abat l'avion de l'amiral Yamamoto, privant le Japon de son meilleur stratège. La plupart des opérations dans le Pacifique sont éclairées par les cryptanalystes anglo-saxons jusqu'à la victoire finale. Après Bletchley Park, Turing est parti aux États-Unis où il a travaillé à la conception d'une machine reproduisant artificiellement la voix. Puis la paix est arrivée, Enigma devait rester un secret absolu. Pourquoi alors ? Parce que les Soviétiques, les alliés d'hier, devenaient les ennemis d'aujourd'hui. Les Britanniques ne voulaient donc pas partager leurs connaissances en cryptanalyse. C'est si vrai que les matériels et les archives ont été détruits en majeure partie, et Turing, comme les autres, a dû jurer de se taire. Personne alors n'a donc su quelle avait été sa contribution personnelle à l'effort de guerre de son pays. C'est juste. Mais l'eau de consolation, lui, le civil, a été nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique à titre militaire. Ah oui. Sir Turing, donc. Quant au secret à propos d'Enigma, il a été vain de le garder puisque les 5 espions de Cambridge, comme on les a appelés, avaient déjà informé Moscou depuis longtemps. Mais cela, à Londres, on ne pouvait pas encore le savoir. Et qu'est devenu Lord Turing ? Il a intégré une nouvelle structure du chiffre baptisée SIGINT pour Signal Intelligence. En même temps, au sein du Laboratoire National de Physique, dirigé par le petit-fils de Darwin, il a commencé la construction d'une machine à calculer automatique, le premier véritable ordinateur nommé Automatic Computing Engine, l'ACE. Et il a inventé la programmation. C'est-à-dire ? Il appelle ça instruction abrégée pour ordinateur, parce que sa machine est capable de suivre les ordres qu'elle a reçus. Et il ose dire qu'elle est intelligente. Il pense même qu'elle pourra apprendre grâce à l'expérience et si sa mémoire est importante. Et il faut observer que ça lui attire les quolibets de quelques chercheurs. Ouais, qu'il prenne pour un farfelu, hein. Ce qui ajoute encore à sa réputation de fantaisiste ou de poète. Parallèlement, Turing a retrouvé son cher Cambridge après 8 ans d'interruption. Il vit alors la période la plus sereine de sa vie. Son homosexualité semble enfin acceptée et son humour pince sans rire est apprécié par ses collègues et ses étudiants. Il multiplie donc les conquêtes masculines, malheureusement souvent décevantes, et il s'investit plus que jamais dans la course de fond. Ouais, donc il est apparemment heureux. On peut le penser, il a un tel appétit de savoir qu'il s'intéresse aussi aux autres sciences, car Fondamentalement, ce qu'il cherche, c'est à construire un cerveau artificiel. À Cambridge, il suit donc des cours de physiologie et de neurologie. Et son ordinateur hein ? En juin 1948, grâce à ses travaux, le premier ordinateur digital électronique avec programme d'instruction intégré voit le jour. Toutefois, nommé à l'université de Manchester, son dernier port d'attache universitaire, il est écarté de l'organisme dirigé par Darwin. Pourquoi alors ? On se méfie de lui ? Il y a certainement de cela, mais bien qu'il n'ait jamais manqué à son serment de silence sur les activités de Bletchley Park, les militaires ont peut-être peur que dans ses nombreuses déclarations à la presse et à la radio, il ne se montre trop bavard. Et puis, il faut reconnaître qu'il a un fichu caractère et se refuse à faire des concessions ou à frapper aux bonnes portes pour trouver subside et soutien. En outre, Manchester n'est pas Cambridge et il y mène une existence de reclus sans grand contact avec ses collègues enseignants. Bref, il trouve Manchester sinistre. Ah, tout à fait ça, oui. En 1951, cependant, il est nommé à la Société Royale, dans la section mathématiques. Ça, c'est une reconnaissance. Absolument. Hein. Il s'intéresse maintenant au lien entre les mathématiques et la biologie. C'est-à-dire qu'il veut comprendre les mécanismes du développement des organismes vivants. Pourquoi ? Par exemple, les stries de certains coquillages s'ordonnent-elles selon une série dans laquelle chaque nombre est la somme des deux précédents ? Ou encore, pourquoi le nombre de pétales de marguerite est-il déterminé par des chiffres invariables ? Il veut donc découvrir comment grandissent les êtres vivants. Afin de mettre au point des modélisations mathématiques, oui. Mais encore une fois, ces travaux ne sont pas pris au sérieux par la communauté scientifique. On parle même de ces chimères. Et le seul à le comprendre et à l'encourager est le grand mathématicien et philosophe anglais Bertrand Russell. En même temps, sa vie sentimentale est de plus en plus débridée. Il drague jusque dans les bouges de Manchester et ça va causer sa perte. Surtout dans une société qui est encore empreinte de morale victorienne. Ah, que lui arrive-t-il ? En 1952, il rencontre une petite gouape nommée Arnold Murray, à qui il offre de venir vivre chez lui. Mais peu après, Turing s'aperçoit qu'il lui manque de l'argent dans son portefeuille. Ouais, il est persuadé que ce Murray l'a volé. Toutefois, ce dernier nie. Puis Turing est victime d'un petit cambriolage. Là, il va commettre une erreur fatale. Il dépose plainte au commissariat. Oui, et ça va se retourner contre lui. Évidemment, car les policiers vont comprendre assez vite que ce Murray qu'il accuse de vol est son amant. La maison de Turing est perquisitionnée. Lui-même est interrogé. Turing, qui se sent la conscience tranquille, le prend de très haut. Et loin de nier son homosexualité, il la reconnaît. Sans doute en a-t-il assez de devoir se dissimuler en permanence. Ouais, la conséquence hein. Accusé d'indécence grave, il décide d'abord de plaider non coupable. Mais son frère, qui est juriste, lui conseille le contraire. En mars 1952, il comparaît donc devant un tribunal. Des amis qui ont travaillé avec lui ont beau témoigner qu'Alan Turing est un génial chercheur d'une probité et d'une droiture exemplaire, le juge n'en tient pas compte. D'autant que Turing s'est montré assez arrogant au cours du procès. Il est donc condamné. Oui, car l'homosexualité est toujours un délit en Grande-Bretagne. Oui, comme au temps d'Oscar Wilde. Qui, je crois, a été emprisonné 2 ans durant pour le même motif. Oui. Toutefois, dans le cas de Turing, le tribunal a sans doute tenu compte de sa notoriété et de ses mérites. Il a été laissé en liberté conditionnelle, à condition de se soumettre pendant une année entière à un traitement appliqué par un médecin qualifié. Un traitement psychiatrique ? Non, chimique. C'est-à-dire ce que l'on appelle aujourd'hui une castration chimique. On lui a donc régulièrement injecté des œstrogènes censés réduire sa libido et, espéraient les juges, réorienter sa sexualité dans le droit chemin, comme on disait stupidement à l'époque. Et les conséquences ? Ah, elles ont été dramatiques. Impuissance, prise de poids, dépression. Ce sportif a même constaté qu'il lui poussait des seins. Et bien sûr, dans ces conditions, il lui a été quasi impossible de poursuivre ses recherches. Autre conséquence funeste, son homosexualité ayant été publiquement révélée, les services de renseignement britanniques ont pris soudainement peur. Et pourquoi ? Mais parce que Turing pouvait désormais être sous la menace d'un chantage sexuel. Ah oui, un chantage de la part des agents de l'Est ? Naturellement. D'autre part, dans l'état de désespérance psychique où il se trouvait, ne risquait-il pas de succomber lui-même à la tentation ? De passer de l'autre côté du rideau de fer. Bien sûr. Aussi, quand il a décidé de voyager en Scandinavie et en Grèce pour se changer les idées, des agents britanniques ne l'ont pas quitté d'une semelle. Ouais, mais ils se sont inquiétés inutilement. Oui, Turing est revenu bien sagement en Grande-Bretagne. À l'issue de sa période probatoire de castration chimique en avril 1953, l'université de Manchester lui a proposé de chapeauter la publication d'un ouvrage sur la théorie de l'informatique. Un retour en grâce. En quelque sorte. Et cette publication l'a imposé comme l'un des plus grands savants de Grande-Bretagne. Mais le cœur n'y était plus. Turing était définitivement un homme brisé. En juin 1954, il a choisi de mourir en croquant une pomme enduite de cyanure. À noter que sa mère n'a jamais cru au suicide et a soupçonné qu'on avait tué son fils parce qu'il était sur le point de faire des découvertes capitales. C'est crédible ? Non, pas trop. La triste réalité, c'est que Turing a été victime de la morale de son époque. Il faudra attendre 1967 pour que l'homosexualité soit décriminalisée en Grande-Bretagne. Oui, mais en France, ce sera seulement 1980. Hein. Depuis, on a découvert quel génie avait été Turing et quel service il avait rendu à son pays. Des artistes, des savants lui ont rendu des hommages posthumes. Il existe même dans un square de Manchester, cette ville qu'il a tant détestée, la sculpture en bronze d'un homme assis sur un banc tenant une pomme dans sa main. Oui, mais officiellement a-t-il été réhabilité ? En septembre 2009, suite à une pétition, le Premier ministre Gordon Brown a présenté au nom de son gouvernement des excuses à Alan Turing pour le traitement effroyable qu'il a reçu. Et en juin dernier, le gouvernement de David Cameron a présenté un projet de loi visant à accorder le pardon posthume à Alan Turing. Mais sa condamnation pour indécence grave et turpitude morale tardera encore à être annulée. Elle ne le sera que le 24 décembre 2013, la veille de Noël, date à laquelle la reine lui a octroyé sa grâce. J'ai déjà cité le livre de Laurent Lemire, Alan Turing, L'homme qui a croqué la pomme, paru chez Hachette. Il faut y ajouter la parution récente d'une très élégante biofiction de Philippe Langenieux-Villard, La pomme d'Alan Turing, publiée par les éditions Héloïse d'Ormesson. Ils fleurissent à profusion les livres sur la Grande Guerre, à l'occasion du prochain centenaire, bien entendu. Mais si je ne devais vous parler que d'un, ce serait celui de Jean-Pierre Guénot, coédité par France Info. Sobrement intitulé « Les poilus », c'est un beau livre-objet, nourri de témoignages et de multiples documents, étonnants, insolites, émouvants. Bref, 100 ans après, la vraie vie des poilus. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer comme d'habitude avec nous. Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Billou et mise en musique par Monsieur Joub.